Jeanne est une de la montagne, attrapait une ours, c'est loup. L'attrapait par la couguette, loup bailette à une peau doux.